Bonjour auditeurs de Radio Guémozo, j'espère que tu es en pleine forme en ce vendredi 8 décembre. Alors tu viens d'entendre le générique d'Autour de vous, mais c'est bien l'IA à l'antenne aujourd'hui. Et c'est un jour très spécial car c'est la toute dernière justement d'Autour de vous, en tout cas de Laura en tant que salariée. Bonjour Laura, comment ça va ? Bonjour, ça va. Donc nous sommes ensemble aujourd'hui, Laura et Chris, pour la toute dernière de Laura. Alors on va faire une petite rétrospective avec toi, Laura. Mm-hmm. Comment ça s'est passé ton arrivée ici ? Qu'est-ce que tu as appris ? Tes anecdotes et tout ça. Alors pour commencer, la toute première fois que tu as passé la porte de Radio Guémozo, est-ce que tu t'en souviens ? Bien sûr, tu avais mis ta robe de Noël. Ah bon ? Oui, t'avais d'ailleurs. Quand je t'ai croisée dans les couloirs l'autre coup, ça m'a frappée. Je dis, mais elle avait la tenue là quand on s'est vu la première fois. C'était un pull. Ah d'accord, un pull très long donc. Ouais, donc je suis arrivée comme ça, je sortais de Cap Emploi et puis ma conseillère me disait que j'avais peu de chances de devenir animatrice radio. Puis je me suis dit, pourquoi pas venir ici pour voir. Puis voilà, ça s'est bien passé. J'ai fait 2 semaines de stage ici en janvier. Et puis après, j'ai commencé au mois de mai et juin et pendant un an. Et après, prolongé jusqu'à ce mois-ci. Ouais. Voilà. Alors, tu avais déjà fait des stages dans d'autres radios, hein, Fadjet et Radio des Ballons, il me semble. Oui, c'est ça. Ok. Quelle bonne mémoire. Oui, quand même, un petit peu en tout cas, on essaye. Qu'est-ce qui t'a donné envie un jour d'être animatrice radio ? Ça part d'une anecdote que, en fait, la radio, c'est un média qui me détend parce que les gens, ils parlent et ça passe de la musique et tout. Et quand tu m'as demandé lors de mon entretien d'embauche, ça fait un certain temps déjà, qu'est-ce qui te donne envie de devenir animatrice radio ? En fait, c'est d'informer les gens, d'interagir avec eux et de les divertir. Pour le coup, via cette émission, c'est plus pour interagir avec eux et les informer. Et j'étais ravie de mettre en avant des publics qu'on entend très rarement à la radio, à savoir les personnes atteintes de handicap. J'ai été contente aussi de parler de l'actu, à savoir une émission sur l'IVG. Après, j'aurais bien aimé en faire d'autres, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le faire. Voilà. Super. On va parler un petit peu de la construction de ton programme. Au tout début, quand tu es venue en stage, est-ce que tu te rappelles de ce que je t'ai fait faire ? Des appels téléphoniques. Ah oui. Des billets de sortie, bien sûr. Qui aujourd'hui sont faits par notre ami Chris. Oui. Qui respire la joie de vivre. Non, je m'en souviens de un en particulier dont je ne citerai pas là. Ah oui, il y a des petites anecdotes hein, comme ça. Il y a des gens qui ne veulent pas forcément travailler avec nos stagiaires. C'est ça. C'est à ça que tu penses. Oui. Et c'est bien malheureux, mais c'est pas grave. On apprend à rebondir et voilà, ça se passe très bien. Et qu'est-ce que tu en avais pensé de ce stage alors ? C'était bien. J'allais dire une bêtise, mais non. Non, franchement, c'était bien. J'ai appris des choses. Les gens étaient bienveillants. De toute façon, dès qu'on rencontre quelqu'un, on apprend des choses. Et puis, autour de vous, Radio Guémozo, c'est avant tout une aventure humaine. Ça, c'est sûr. C'est bien. Comment tu la décrirais, ton évolution, entre ces 2 semaines de stage et aujourd'hui, la dernière ? Sans faire en faisant des images un peu bizarres, j'ai un peu l'impression d'être un papillon qui est sorti de sa chrysalide. Parce que ouais, je me sens plus à l'aise maintenant que ce que j'étais au mois de janvier. Avant, je contactais les gens que par mail. Maintenant, je préfère le téléphone. Parce que des fois, par mail, ça part dans les spams. Enfin, bref. Et je suis plus à l'aise au téléphone pour les prises de contact. Mais après, en interview, je préfère recevoir les gens dans les studios. Parce que par téléphone, des fois, les gens, ils arrêtent de parler. Tu crois que tu peux poser ta question, puis ils reparlent par-dessus. Alors, c'est pas facile. Ça, c'est quelque chose qui nous est assez commun entre nous tous. Cette espèce de prise d'assurance, tu la décrirais aussi, toi, Chris ? Oui, totalement. Moi, je sais que quand j'avais commencé, j'étais hyper timide. J'arrivais même pas à parler dans un micro sans voir la voix qui tremble. Et maintenant, je sais pas si je peux dire que je suis très à l'aise au micro, mais je suis beaucoup plus à l'aise qu'avant. Ouais. Plus détendu. Voilà. Quelle est la chose qui t'a le plus marqué ici, l'expérience qui t'a la plus marqué ? L'expérience avec les invités, tu veux dire, ou en général ? Tout confondu. L'expérience, j'en ai deux, c'est l'interview qu'on a fait avec Chris avec Benoît Alleman. Ah oui. Et quand j'ai eu toute seule Jean-Pierre Michel au téléphone, qui était assez impressionnant pour le coup, et Thierry Ragneau, qui est un grand fan de l'IA. Non, c'est le contraire. C'est une fan attitude réciproque. Voilà, c'est ça. Et c'était vraiment une aventure incroyable et que des personnes, personnalités dites publiques se rendent disponibles pour des personnes lambda comme nous, quoi. Ça, c'est quelque chose que l'on ne soupçonne pas, en fait, avoir accès à de grandes personnalités, en tout cas nous, des personnalités qui nous touchent, qu'on suit. Et voilà, un jour, il se passe un appel téléphonique ou un échange, une rencontre, et on peut leur poser les questions. Et ça, c'est quelque chose quand même. C'était assez incroyable comme aventure, à savoir que Benoît Hellmann était super accessible. Ah oui, totalement. Et il m'a dit, vous avez une jolie voix, vous. Moi, il ne me l'a pas dit, par contre. Pose-toi les bonnes questions. Ça t'a touché ? Bah oui. Et depuis, je m'investis pas mal dans le doublage amateur. Génial. J'en faisais déjà un peu avant, mais depuis qu'il m'a dit ça, je me suis dit, allez, let's go. Je t'avais, j'ai repris tes expressions. On en reparlera. Il y a aussi des petites casseroles par moment ? Ah, jamais. Non. Ouais, je bafouille souvent, je me trompe de prénom, des fois ça m'arrive. Ah oui, ça c'est énorme. Ça c'est un truc de malade mental, c'est... Bonjour Aurélien, ah non mais moi c'est Antoine, ah pardon, d'ailleurs j'en ai mis un dans le bêtisier, vous allez voir c'est hallucinant. Voilà. Laura et ses casseroles, c'est maintenant. Avant de clôturer cette émission, je voulais vous montrer mes talents de beatbox. Oula. Je voulais vous montrer ma... Ok vas-y. Attention, vas-y. C'est parti, les oreilles vont saigner. Attends, faut que je reste sérieux. J'arrive pas à être... Michael Waxon. Ça va pas ? Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ta... Et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre en streaming via notre site http://coulou-coucou/. C'est pas grave, on va la laisser. Allez. Nous sommes de retour. Super. A, B, C, D. C'est bien, je connais parfaitement mon alphabet. Pas mal. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Lorla. Si en plus, l'autre, elle a un prénom compliqué. Lorlaïne. Ça te va bien comme prénom. Lauriane. Un, deux, trois, on recommence. Entre les soucis techniques et les soucis de bafouillement, on va finir par y arriver. C'est pas grave. Ça va partir dans le bêtisier de fin d'année, c'est pas grave, ça fera rire les auditeurs et chanter les abeilles aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Sandra ? Mélissa. Pardon. Senteur de la vue, sentier de gloire, ardeur de la vie, onde d'espoir. Oh yeah, attention, le dab, la vague. On apprend en même temps que Laura a des talents insoupçonnés de chanteuse. Oui, est-ce que tu es au courant ? Non, je ne savais pas, je découvrais ça en même temps que les auditeurs. Menteur, tu m'avais filmé à mon insu, tu l'avais envoyé à l'IA par message. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, des fois, ça m'arrive de m'exporter à l'extérieur de ma salle de bain, mais bon. Après, cela dit, à la magie du montage aussi. Non, là, pour le coup, j'ai pas retouché. Ah, t'as pas retouché ça ? Non, je retouche sur Photoshop, mais pas sur... Ah d'accord, ça marche. Alors, on va se lancer dans notre premier disque chouchou, un playlist spécialement concocté par notre invité du jour. Et ben oui, je suis investie quand je parle. Ah, je vois ça. Voilà. Ça fait longtemps que tu n'as pas assisté à l'une de mes émissions, toi. Oui. Voilà, c'est pour ça. Parce que je ne t'écoute pas, en fait. Ah ben merci. Je le fais respecter. Laura, tu nous as choisi plein de sons pour aujourd'hui. Le premier, c'est Jean-Jacques Goldman, Au bout de mes rêves. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment une... Ça correspond vraiment avec mon parcours, parce qu'on pensait vraiment que j'arriverais pas à aller jusque-là. Et j'ai pas écouté Léon dit, et j'ai vraiment suivi mon cœur, et puis j'ai été jusqu'au bout de mes rêves. Je sais pas où ça me mènera, mais... Ça me donne envie de pousser un petit coup de gueule. Alors, ça paraît bizarre comme ça, mais pourtant, c'est à ce moment-là que ça va tomber. Normalement, on était censé... Je le dis en rigolant, mais ça me fait pas rire. Normalement, on était censé garder Laura pendant... presque 5 ans, parce que voilà, on le dit, donc du coup, toi, tu es en situation d'handicap. Et normalement, quand on t'a prise en contrat, eh bien, ce contrat devait être reconduit sur une durée maximale de 5 ans, ce qui n'a pas du tout été le cas, car le gouvernement en a choisi autrement. Voilà. C'est ça. Du coup, on de se séparer de toi de façon complètement prématurée. On a appris ça il y a à peu près un mois. On n'a pas forcément eu de possibilité de réponse autre que cette fin de contrat. Mmh. Et voilà, on est quand même plutôt assez triste de cette situation parce que nous aussi, on aurait bien aimé que tu ailles jusqu'au bout de tes rêves avec nous. Bah après, c'est comme je le disais avec toi le matin et avec Chris aussi, c'est peut-être la fin d'une aventure d'une année, mais pas d'une vie, hein, qui sait. Peut-être qu'un généreux donateur peut investir dans la radio. Elon Musk, si tu nous écoutes. Et puis des fois, en fait, on a l'impression que les choses ne se passent pas comme on le voudrait. En tout cas, c'est ce qu'on ressent. Mmh. Et au final, une fois que l'expérience est passée et qu'une autre s'ouvre à nous, eh ben on se rend compte que finalement, c'était le bon chemin et qu'il y a plein d'autres choses encore à vivre dans nos vies. Et parfois, c'est complètement insoupçonné et pourtant, ça arrive. Mmh. C'est beau ce que tu dis. Andy. T'es poète, non ? Non, pas trop. Ah. Bah, depuis que je travaille ici, j'ai appris à être un peu plus optimiste, en fait. Parce que ça a été une année assez compliquée pour moi, 2023. Mais autant avant, j'aurais dit, bah, de toute façon, l'année prochaine, ça va être la même chose. Que maintenant, je me dis, bon, bah, 2024, c'est l'année du renouveau, quoi. Bah, c'est assez bien aussi. C'est grâce à toi, ça, par contre. Oh. La positive attitude. T'es poète, en fait. J'ai commencé à écrire des poèmes, ouais. Après, des histoires, mais... Ça se voit. Ça se voit, ça s'entend plutôt. Oui, plutôt. On va les laisser parler encore un peu. Hein. Ou pas. Ou pas. De cet incroyable solo de saxophone pour couper Jean-Jacques Goldman. Et oui, on a des privilèges ici à Radio Guémozo, on fait un petit peu ce qu'on veut, même couper la chic de grands artistes comme ça. Non, il va nous accompagner en fond, mais voilà, on a vraiment envie de discuter aujourd'hui plutôt avec Laura que d'écouter la musique de Jean-Jacques Goldman jusqu'au bout. On t'aime Jean-Jacques, ne t'inquiète pas. Alors tu as construit autour de vous ton programme du coup presque quotidien, 3 émissions par semaine. Mm-hmm. Voilà. Qu'est-ce qui s'y passait à travers ce programme ? J'essayais de mettre en avant les acteurs locaux sur notre antenne. Voilà, des fois ils étaient un peu impressionnés, et je leur disais, oui, hein. Je les rassurais toujours, je leur disais de toute façon une fois que vous allez parler d'un sujet que vous connaissez, ça va aller tout seul, ou de quelque chose qui vous passionne. Ah oui, c'est vrai, au début c'était une heure, c'est un peu long. Ah mais dis donc, c'est passé vite. Mmh, hein. Ah oui. Ça on l'entend souvent aussi. Ah oui, totalement. Ouais. Alors comment on arrive à rassurer un invité quand soi-même on n'est pas spécialement rassuré de ce qui est en train de se passer ? Déjà on le montre pas. Non, je suis quelqu'un d'assez timide, etc., qui manque de confiance en moi, mais autant à la radio, c'est pas le cas du tout. J'ai une assurance que je pensais pas détenir. Donc j'arrive à rassurer les invités. Et puis moi, du moment que ma trame est prête, tout est carré, etc. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal, quoi. Quelle émission tu as préféré faire, animer? Entre autour de vous, chacun sa voix ou qu'autour de vous? Allez. Ah, pour chacun sa voix, bah, c'est Thierry Ragnaud. D'ailleurs, il a dit qu'on se recontacte dans 6 mois, mais ce n'était pas prévu comment qu'on s'est contacté, que je ne sois plus là. Sinon, dans autour de vous, il y a tellement de personnes que j'ai reçues que là, j'en ai pas une à sortir maintenant. Mais c'était vraiment une aventure incroyable. Et puis, les gens, je les remercie de m'avoir accordé leur confiance au temps d'une émission à chaque fois. Et j'étais contente de mettre en lumière ceux qui étaient dans l'ombre et de mettre davantage en lumière ceux qui n'étaient pas assez mis en lumière. Moi, j'ai été très impressionnée par ton évolution. Hein. Au début, tu arrives ici. Alors, on voit quand même que tu as une certaine, pour moi, assurance, en tout cas. Enfin, voilà, on voit que tu as envie de le faire, mener des interviews. Je te balance directement dans le vif du sujet. Je te fais faire des interviews téléphoniques alors que tu viens d'arriver la veille. Complètement normal. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant. Hein. Quand je le fais parce que je sais que je peux avoir confiance en la personne à qui je confie cette tâche. Mais je t'ai vu évoluer au fur et à mesure. Mais il y a une chose qui s'est pas passé. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Un direct, c'est ça? C'est ça. Ah, mais ça me stresse, le direct. Mais ce qui s'est passé, c'est que ma mère, elle était venue me voir pour la journée porte ouverte, parce qu'elle savait que j'avais besoin de soutien. Oui, si tu l'as fait, en plus, je suis mauvaise langue. Une mère, ça doit sentir quand on est stressé, je pense. Du coup, elle est venue, bah, pile poil pour le direct, quoi. Mais j'ai dit, je suis pas bien, je suis stressée, Lia, je vais pas y arriver. Mais si, tu vas y arriver. Et dès que j'allumais le micro, c'était parti. Bah voilà, c'est ça. On se lance dans le vif du sujet, on se lance dans le grand bain. Et puis en fait, ça ne change pas grand-chose finalement. C'est ça. Ça dépend qui après. Mais oui, tu en as fait du direct. Je crois 2 ou 3 même. J'ai fait une artiste peintre en premier. Après, j'ai fait Étienne Géin. C'est Étienne Géin? Oui, c'est ça. J'ai fait Gilou et puis j'étais portraitiste. Gilou qu'on embrasse. Mais oui. Qui écoutait au Québec, en Suisse, en Allemagne. À l'international. À l'international. Du coup, il n'y avait pas que autour de vous. Hein. Tu as construit d'autres programmes avec Chris, entre autres. Radio Catch. On a fait 4 émissions, dont une avec Draven. Ouais, c'est vrai. Draven qu'on salue aussi, on en profite. Mais oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Radio Catch et puis bah, tu vas dire la deuxième. Je sais pas, chacun sa voix. C'est ça. Au début, on a commencé à 2 et puis... Pour Jean-Pierre Michael, je lui ai dit, bah, écoute, j'aimerais bien tenter l'aventure seule. Mm-hmm. Et puis bah, maintenant, on fait chacun de notre côté, quoi. Mais c'est l'émission, ça. Elle est toujours à nos 2 noms. Donc voilà. Oui, c'est ça. En gros, on est toujours 2 co-animateurs. On a chacun nos génériques différents, mais c'est toujours la même émission. Alors, on va en reparler juste après. J'adore ta coupe de cheveux. J'ai relevé le casque de façon un petit peu imprévisible. Voilà. Vous allez pouvoir voir ça sur Facebook, auditeur. Du coup, tu as interviewé quand même à travers chaque... Attends, je suis perturbée. C'est mieux comme ça? C'est mieux. Ok. Tu as interviewé quand même Thierry Ragnaud. Oui. Qui était entre autres acteur dans Plus belle la vie. Mm-hmm. À ce moment-là, je m'en rends compte. Eh oui. Et je suis complètement accablée par la nouvelle de ne pas avoir pu assister à... Non, mais le pire, c'est qu'elle me dit « Quoi ? Mais tu m'as pas prévenue ?» Lia, ça fait des mois que je te dis que j'ai Thierry Ragnaud. Mais tu m'aurais dit François Marcy. Ah, je voulais participer à l'émission. Voilà. Bah, t'as un peu participé à la fin quand même. C'est ça. Je t'ai fait venir. Il s'est senti bien, à l'aise et mis en valeur. Mm-hmm. Ils aiment bien. Moi, j'aime bien quand ils disent toujours « bonne question ». Ah oui. Moi, c'est... Quand on dit « bonne question », moi, ce que je réponds toujours, c'est « merci ». Pareil. Parce que ça fait plaisir, genre bonne question, c'est on les piège un petit peu mais sans faire exprès en fait. Oui. Donc c'est cool. Et d'ailleurs, j'y pense, du coup, t'as reçu deux comédiens qui ont joué dans Plus belle la vie, si tu remarques. Oui, en un qu'on a fait ensemble au tout début, et Thierry Ragnaud. Ouais. Fabien Gravillon, qu'on faisait chacun sa voix tous les deux, et après, ouais. Thierry Ragnaud. Mais oui, Fabien Gravillon, que l'on a découvert à travers la plateforme Groover, hein, où on nous envoie des morceaux régulièrement. D'ailleurs, je t'invite, artiste, si jamais tu as envie de nous faire passer un petit son de ta propre production, eh bien, à nous rejoindre sur cette plateforme. Et du coup, oui, effectivement, il avait été comédien dans Plus belle la vie. Ouais, en 2000, au début, ouais, 2006. Ouais. Je ne me rappelle absolument pas de lui, excuse-moi, Fabien. Alors, continue avec les petits sons chouchous de Laura. Tout de suite, c'est James Brown pour Get Up Off of That Thing. Merci Duolingo. Quel accent? Tu te moques de moi? Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Get Up of That Thing. Oui. Lève-toi pour cette chose ou un truc du genre comme ça, quoi. Encore une fois pour le message. Pourquoi ce choix là? Parce que c'est la première chanson que j'ai entendue dans le poste à côté, dans la petite salle café. Ah. Quand je suis arrivée ici, je l'ai chasamée et puis c'est parti, quoi. James Brown sur les ondes de Radio Guémozo, voilà, conquise par ce titre. Ah bah ça fout la patate, hein. si un coup t'as pas le moral dans les chaussettes, tu mets ça, tu te mets à faire la danse de la joie. Est-ce que tu connaissais Radio Guémozo avant de venir nous voir pour la toute première fois? Que de nom, c'est déjà ça. Oui, hein, ça arrive qu'on nous dise non, pas du tout. Et moi j'aime bien les gens qui nous disent non, pas du tout, ça veut dire que c'est une nouvelle personne qui nous connaît maintenant. En fait, j'ai découvert votre existence parce que quand j'ai fait un stage chez Radio des Ballons, à savoir que Raymond était directeur des radios associatives de la CRAL, c'est comme ça? Oui, c'est ça, ouais. J'ai retenu le nom de l'organisme, c'est cool, au bout de 18 mois. Et il m'a donné un petit flyer ou fascicule où il y avait toute la carte des radios associatives de Lorraine. Et j'ai vu que Radio Guémozo, pardon, et Radio Cristal étaient proches de chez moi. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais aller à Radio Guémozo. Et voilà. Parce que le Cap Emploi était juste en dessous. Et c'était une belle rencontre quand même. J'espère que c'était réciproque. Ah bah c'est une incroyable rencontre, que ça soit sur le plan professionnel et humain. De toute façon, on gardera le contact, que même si je vais voir ailleurs, même si j'ai pas envie d'aller voir ailleurs. Je vais voir ailleurs. Même si je... On dirait que tu es presque victime, que tu vas presque nous faire un adultère là. Un adultère, mais involontaire pour le coup. Quelles ont été tes rencontres marquantes? Les invités ou l'équipe? Tout confondu, tu peux même en dire plusieurs si tu veux. L'équipe. Ah, bah j'ai un petit top 3. Hein. Gilou. Ah, on l'embrasse. Ah, Gilou, avec Gilou, on s'adore mutuellement. C'est quelqu'un d'humainement incroyable et super sympa. Je pense qu'il ne faut pas trop l'énerver quand même. Non, puis son émission, j'adore parce que j'ai beaucoup de culture. J'ai un peu de culture musicale. Et puis, bah, des fois, je m'invite dans son émission, on rigole bien, et puis il y a des bons moments de partage, etc. Après, dans le top 2, bah, il y a Michel. Hein. Ah, Michel. Non, Michel. Michel, c'est la mascotte de RGM. Voilà, si tout va bien. Non, Michel, c'est un sacré personnage, il sait ce qu'il veut, et Puis il est toujours bienveillant avec tout le monde. Et puis bah, le top 1, bah, sans vouloir faire de... Voilà, c'est toi. Hein? Oh, c'est gentil. Bah, sur le plan professionnel ou humain, c'est une rencontre incroyable, quoi. On s'est découvert des points communs, etc. Un parcours de vie un tout petit peu similaire sur certaines choses. Et puis, tu m'aides à grandir un peu. Donc... Oh, c'est gentil, ça. Et toi, tu me nourris de bananes. Je te la donne parfois aussi quand ça va pas, c'est ça. Bah, c'est vrai que ça va faire un grand vide quand tu seras plus là, quoi. Ah bah, moi aussi, parce que je vais retourner à mon quotidien, quoi, avant de venir ici. Quand on n'a pas d'emploi, bah, on a tendance à rester un peu dans les habitudes, quoi. Mais tu reviendras pour participer bénévolement, peut-être, en attendant de nouvelles aventures. C'est sûr, même Gilou m'avait déjà envoyé un message... pour que je participe à ces émissions. Donc oui, bien sûr, je garderai toujours un lien avec cette radio, même si je venais à évoluer dans une radio peut-être un peu plus, pas plus connue, mais une radio commerciale, comme on dit, les grosses radios. J'oublierai jamais d'où je viens, je vous oublierai pas. Puis de toute façon, j'ai toujours vos numéros de téléphone. Mais oui, j'espère bien que tu reviendras nous voir. Et puis bientôt, tu vas faire une formation FSER, Fonds de solidarité à l'expression radiophonique, notre gros, gros dossier de subvention qui nous fait tant peur. Voilà. Donc peut-être que tu viendras nous filer un petit coup de main au début de l'année 2024. Pourquoi pas, Aline m'a envoyé le programme et je pensais pas qu'il y avait de la comptabilité dedans. J'avoue que je suis un peu fâchée avec les chiffres. Tu verras, c'est simple. Allez, on se lance dans le prochain titre chouchou que tu nous as préparé. Nena, tu peux nous le dire? J'ai fait 8 ans d'allemand, mais je vais faire de mon mieux. Hein, je sais toujours pas le parler. C'est Nena... Neun und Nancy Schluff Balance. Ah, voilà. C'est tellement mieux quand c'est toi qui le dis. Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont? Denkst du vielleicht gerade an mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons? Und dass sowas von sowas kommt. Voilà pour ce super son qui met bien dans l'ambiance. Encore une fois, toi, t'aimes bien les chansons énergiques, hein ? Bah, j'aime bien la chanson là parce que c'est la chanson un peu emblème de ma mère et moi, en fait. Dans la voiture, on met ça à fond, en fait. J'adore cette chanson. Et on danse dans la voiture tout en gardant les mains sur le volant. Pas comme certains. Voilà. On en aura passé des bons trajets quand même, toutes les deux, à se raconter plein de trucs. Oui, mais je pense qu'il y en aura d'autres. J'espère. Alors, autour de la table, nous a rejoint eh bien, justement notre Gilou. Tu nous en parlais il y a quelques instants. Mm-hmm. Alors, tu es dans le top 3 de ses meilleures rencontres radiophoniques. D'accord, bonjour, voilà. Bonjour à toutes, à tous. Comment ça va, coucou Gilou? Coucou Lia, coucou Laura. Comment ça va bien? Ça va bien, merci. Ouais. Super. Alors, on fait aujourd'hui la dernière de l'émission autour de vous de Laura parce que son contrat, malheureusement, se termine bien trop tôt à notre goût. Comment ça s'est passé la rencontre avec Laura pour toi? La rencontre avec Laura pour moi, je ne sais plus. ça fait combien, une bonne année? Ça fait 19 mois que je suis là, précisément. 19 mois que tu es là, ouais. Laura, oui. Alors, 19 mois, 5 bien. Jours, 23 heures et 36 secondes. Voilà. Non, ça s'est passé très bien avec Laura, toujours gracieuse, Laura. c'est vrai que j'ai apprécié ça d'elle aussi. Et puis voilà, on a collaboré sur quelques émissions tous les deux ensemble. Hein. Tu as participé à mes émissions. Tu m'as invité deux fois dans ton émission hein, autour de vous. Voilà, non, mais c'est vrai que ça fera drôle quand Laura sera plus avec nous. C'est vrai que bon, après je veux pas te Laura. Mm-hmm. Et après bon, on aura sûrement des contacts, bien sûr. Bien évidemment, c'est prévu. C'est vraiment une belle rencontre avec Laura. Je veux dire, voilà, on a échangé pas mal, puis des fous rires aussi, bien sûr. Ah oui, ça c'est sûr. Je me souviens sûr, dans hein. les émissions aussi, il hein, y avait ah, des. Toujours. Il y a sûrement des best-of qui vont rester. Enfin, qui vont bientôt sortir. C'est vrai, non, toujours agréable, toujours souriante. Et ça, c'est bien. Ouais. C'est très bien parce que c'est vrai que de nos jours, c'est quand même assez rare. Voilà, tout à fait. Alors, Laura, tu as surmonté plein de choses pendant ces 19 mois. Mm-hmm. Hein, et tu as fait quelque chose que tu n'aurais sûrement peut-être jamais imaginé faire un jour. Laura, elle s'est occupée de jeunes collégiens avec moi pendant des ateliers radio. D'accord, ouais, voilà, elle a pris sous son aile plusieurs groupes de collégiens. Et j'étais quand même très, très fière de toi parce que tu étais quand même plutôt tétanisée, on va le dire comme ça. Comment ça s'est passé, cette histoire? Ah bon, au début, c'était un peu chaotique hein, parce que j'avais un diaporama, je ne les regardais pas. J'avais des notes, je lisais des notes, mais en fait, j'étais pas au bon endroit. Donc, il fallait que je recule le diaporama. Puis après, le groupe suivant, ça a été tout seul. Après, il y a des enfants qui sont plus ou moins réceptifs, plus ou moins intéressés. Et puis, on a fait deux dates, je crois, deux jeudis. Oui. Le premier jeudi, ils ont dit « Au revoir, Laura !» C'était super sympa et tout. Les deuxièmes étaient un peu moins réceptifs, mais j'ai quand même réussi à nouer des liens avec eux, quoi. C'était sympa. C'est une bonne aventure aussi. Ouais. C'est bien le métier de la radio parce qu'on ne fait jamais la même chose. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Bah ça, c'est vrai, ça. T'es d'accord, Gilou ? Oui, tout à fait, tout à fait. Beaucoup toujours de surprises, comme disait Laura. C'est vrai qu'on côtoie beaucoup de monde, différents horizons. Alors bon, c'est vrai que moi, c'est surtout la chanson. Mais bon, voilà, c'est toujours intéressant. Et beaucoup de partage. Super. Alors, on développe plein de choses à la radio. Qu'est-ce que toi, t'as développé ? Mes rapports aux autres, je pense, déjà. Puis au cours de ces 19 mois, j'ai découvert des capacités que je pensais pas du tout détenir. Avoir confiance en moi, déjà, c'est déjà un grand pas en avant. Puis faire un métier qu'on aime, c'est quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui, de vivre de sa passion. C'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est sûr. Quel conseil, quel message tu donnerais peut-être à des gens qui ont envie de faire de la radio comme toi et à qui on le déconseillerait ou qu'on n'encouragerait peut-être pas ? Ça va faire un peu cliché ce que je dis, mais écoutez votre cœur. Si vous êtes décidé à le faire, n'hésitez pas à le faire. S'il y en a qui vous disent non, parce qu'on avait fait une émission radio avec Mondial de la radio, avec Radio Cristal, etc. Et Gaëlle disait, c'est pas parce qu'une radio vous dit non que tout le monde vous dira non. Donc tentez votre chance et puis vous n'aurez pas de regrets, quoi. Toi, c'est quelque chose que tu as vraiment envie de perdurer comme expérience. Animatrice radio, c'est le métier que tu choisirais. Faire toute ma carrière en animatrice radio, ça serait extraordinaire, oui. Oui, tu m'étonnes. C'est sûr. Non, et puis aussi, du coup, on a souvent cette mentalité, enfin cette idée de les métiers de la radio, c'est un secteur très fermé, ce qui est vrai. Mais finalement, ce n'est pas impossible de devenir animateur radio. T'en es la preuve, Léa, t'en es la preuve, j'en suis la preuve. Voilà, c'est vraiment, il faut juste trouver sur les bonnes occasions, finalement. C'est ça, les opportunités. C'est ça. Elles se saisissent, elles se créent aussi. Ouais, comme on m'a dit une fois, une grande dame rousse qui est directrice d'antenne, elle m'a dit ce qu'il faut dans la radio, c'est le culot. Donc je pense que. Une grande dame rousse. Alors grande, ça reste à voir. Rousse, oui. Oui, c'est vrai qu'elle met des talons, pardon. Voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai, avoir du culot. Et ah, bah puis, oui. C'est quoi qu'on m'a dit une fois, il faut du sourire dans la voix, mais je ne me rappelle plus c'est qui me l'a dit. Ah oui, ça c'est vrai, du sourire dans la voix, ça c'est bien. Et finalement, le culot, ça peut porter ses fruits. Quand on a eu Benoît Alman, il allait un petit peu au culot. Ouais, c'est vrai. Avec Thierry Regnault, moi j'ai eu par exemple Donald Reignoux, vraiment, on pensait qu'on n'allait pas du tout réussir à les avoir. Et finalement, le culot, ça a porté ses fruits. Quoi. Bah après, je pense que la prise de contact, du moment que tu trouves les bons mots pour redonner envie à la personne de te recontacter, ça peut se faire. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est les façons de dire les choses. Quoi. Quelle qualité tu dirais qu'il faut avoir pour être un bon animateur radio selon toi ? Déjà, humainement, il faut être assez ouvert d'esprit, ouvert aux critiques aussi, pas se reposer sur ses acquis. S'écouter, c'est important, pour voir ce qu'on peut améliorer, etc., les choses qu'il faudrait éviter de faire ou dire. Et bah voilà, il y en a certainement d'autres qualités que j'ai oubliées, qui ne viennent pas tout de suite, mais voilà. Qu'est-ce que vous diriez, les garçons ? D'être un peu menteur aussi. Menteur ? Tu es un menteur, Gilou ? Des fois. Non, oui, c'est... Non, j'ai employé le terme menteur, je voulais dire autre chose, mais non, je ne veux pas non plus. Non, mais je ne sais pas comment expliquer. Brosser dans le sens du poil, tu dirais. Ouais. Flatter. Oui, oui. Flatter voilà, voilà peut-être comme ça, oui. Mm. Faire un peu le Cyril Hanouna, mais à la radio. Oui, c'est ça. Oui. Ça sera coupé, c'est pas grave. Mais on aime beaucoup de monde à la radio, c'est vrai. Enfin, mis à part les animateurs, animatrices, puis tous les gens qu'on côtoie, partagent qu'on a. Mais c'est vrai, des fois, on est peut-être un petit peu... Je ne sais pas si je vais me lancer ou quoi, mais... Non, mais voilà quoi. Qui n'ira pas jusqu'au bout de sa non, pensée je veux pas aujourd'hui. Aller jusqu'au bout. Ce sera pas pour aujourd'hui. Non, bah oui, ce que tu as dit, ça, c'est pas trop mal. Enfin, je trouve que ça représente bien le métier d'animateur radio. Et oui, ne pas avoir peur d'aller au culot, d'aller vers les autres pour espérer pouvoir faire une émission avec telle ou telle personnalité plus ou moins connue. Du culot. Et puis aussi, bah, faut s'intéresser à tout. Parce que des fois, on a des invités que forcément, on n'est pas forcément intéressé par le sujet, mais il n'y a aucune chose à acheter. Toute expérience est bonne à prendre. Et puis, on acquiert un certain savoir-faire et un savoir-vivre aussi, peut-être, je ne sais pas. Oui, tu voilà, avais c'est ça, je rebondirais sur ce que dit Laura. C'est vrai que quand je disais être un peu menteur, non, mais c'est vrai qu'on reçoit du monde, enfin, des gens, des... Voilà, puis il faut se mettre un petit peu dans leur passion aussi. Bien sûr. Même si on n'est pas, je veux dire, même si on n'adhère pas, ou même si on n'a pas les mêmes... Bon, je vais parler de la musique, parce que c'est beaucoup la musique que je fais, mais je veux dire, c'est vrai. Je dis toujours, on est là pour tous les artistes, mais bon, des fois, ce n'est pas notre tasse de thé non plus. Ah, tout mais à fait. Voilà, on s'adapte et puis on fait. Bien sûr. Oui, il faut savoir mettre ses a priori et puis ses opinions de côté pour un peu parler de tout le monde, en fait. Voilà. Et toi, du coup, t'en penses quoi ? Les qualités qu'il faut avoir pour être un bon animateur radio, la persévérance. Ah oui, aussi. Savoir rebondir. Mm-hmm. Ah, j'ai oublié ça aussi. savoir persuader, mais surtout s'auto-persuader de ses propres capacités. Et ça s'apprend, c'est pas quelque chose d'inné, quoi. Non, bah oui, c'est ça. Et c'est un outil extraordinaire, la radio, justement, pour développer toutes ces ressources transversales, toutes ces compétences qu'on a en nous et qu'on n'a pas encore abordées jusque-là. La radio, ça nous met dans un espèce d'une dynamique, en fait, où on se dépasse soi-même. Et c'est là que la vie commence à naître. Et aussi, ne pas se laisser, on va dire, avoir, écraser par quand on a un refus ou quand ça ne se passe pas comme on veut. Ne pas, savoir se relever, quoi, ne pas se laisser abattre. Pas trop d'ego, parce que justement, il faut aussi, comme tu dis, Gilou, il faut savoir s'adapter à tous les publics qui se présentent à nous, même si ça ne nous convient pas, il ne faut pas refuser. Il ne faut pas prendre pour nous telle ou telle attitude ou tel refus. Et du coup, ça amène beaucoup, beaucoup de qualités humaines, je trouve, de faire de la radio. En tout cas, c'est selon moi. Voilà. Alors toi, tu faisais une émission généraliste, on appelle ça, autour de vous. C'était une émission généraliste qui parlait de tout sujet. Quelle est l'émission la pire, celle que tu as vraiment le plus galéré à faire, le souvenir le plus piquant ? Ah, j'en ai pas en tête, là. Ah, si. Est-ce que je peux le dire ou pas ? Ah bah c'est toi qui choisis ça. Tu peux nous donner des indications ou nous donner le nom. Que j'ai dû appeler Chris au secours pour le marché d'avant l'avant. Ah oui, d'accord, je vois. Oui, oui. Voilà, donc non. Mais c'est juste ça, il n'y a que celle-là. Donc tu peux couper la question. Ça serait dans le bêtisier 2024. Oui, du coup, il y a des invités qui sont un petit peu plus rentre-dedans que d'autres. Et du coup, quand c'est comme ça, on appelle ses collègues. Voilà, c'est ça. On appelle les plus expérimentés. Voilà, on appelle les plus expérimentés. Est-ce que tu t'es sentie bien entourée ici, justement, d'expériences diverses et variées ? Oui, parce que c'est enrichissant de parler avec des personnes qui ont de l'expérience. Il ne faut pas se reposer sur ses acquis. Il faut aussi écouter les conseils des autres, parce que même dans la vie de tous les jours, on n'a pas fini d'apprendre des choses. Et puis, voilà. J'ai beaucoup, voilà. Je les enlève beaucoup dans les montages et là, je ne peux pas. Et aussi, pour reprendre une phrase de la célèbre grande dame rousse que tu as parlé tout à l'heure, Elle a dit dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, ce qui peut être vrai aussi. Mais ça n'est pas de Lia, c'est de Paul Éluard. Mais oui, mais Lia, elle le dit beaucoup. Elle l'a dit beaucoup, sa phrase, c'est une de ses phrases fétiches. Donc c'est pour ça que, oui, je sais que c'est Paul Éluard, merci. Je suis Paul Éluard, enchantée. Jure, réincarnation quoi. C'est ça. Tout de suite, on écoute Tal, le sens de la vie, c'est le prochain son le chouchou. Le prochain son chouchou. Et hop, bêtisier. Stevie Wondu, non c'est pas ça. Stevie Wondu, ah bah oui. C'est Tal, le sens de la vie, pourquoi tu as choisi cette... Bah c'est justement les paroles, c'est justement mon chemin de vie, c'est qu'il ne faut pas écouter forcément ce que les autres disent. Faut savoir être têtu aussi dans la vie, se faire confiance et écouter son cœur. Voilà. J'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux sans même voir que le ciel était bleu. Je me suis réveillée sous un nouveau soleil et depuis ce jour-là, rien n'est pareil. Lumière des projecteurs qui réchauffe mon cœur. Tout au fond de moi, je n'ai plus jamais peur. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. C'est une évidence, j'ai trouvé ma voie. Je prends mon et je n'oublie pas les paroles d'une chanson d'enfance qui me rappelle d'où je viens, d'où je tiens ma chance. Lumière artificielle qui fait briller mes yeux et je sors de l'ombre, je sais ce que je veux. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je se perd toujours quand on fait pas les choses avec un peu d'amour. C'est peut-être lui qui rend notre ambition fascinante. Il est dans ma voix, c'est pour ça que je chante. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'ai. Le sens de la vie, musique et chansons choisies par mon invitée du jour, Laura. Merci beaucoup pour ce choix. Bah de rien, je voulais te dire mon amie, Laura. Bah oui, bien sûr. On en a créé une belle amitié, je trouve, durant ces 18 mois. Mmh. Bah elle n'est pas finie. Hein. J'espère bien. L'émission est terminée, mais pas notre amitié. J'ai une petite, comment on dit ça, un petit recul sur ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent ici à Radio Guémozo, et puis beaucoup nous disent on reviendra, et puis finalement je ne les revois pas si souvent que ça. Mais je les aime quand même dans mon cœur, mais j'espère te revoir voilà, très très vite. De toute façon, on se revoit pour l'émission de Noël qu'on va faire tous ensemble. Bah oui, puis pour faire mon pot de départ à la retraite. Je suis pas prête d'y être. Je suis pas pressée. Pas encore la retraite. Si vous aviez un petit mot à dire à Laura, qu'est-ce que vous lui diriez ? Tu es géniale, tu es merveilleuse. Non, moi, je dirais à Laura, bah, je dirais, garde ton sourire, garde cette envie que tu as en toi. Et voilà, de peut-être, on ne sait pas, plus tard, continuer. Et puis, souhaiter aussi, te souhaiter plein de bonnes choses pour la suite. Hein, pour la suite, une fois que, bien sûr, quand ça sera terminé, enfin, au niveau radio. Mais bon, voilà, garde ta confiance, tout ça. Ne change pas, en fait. Reste comme ça et crois à tes envies, tout ça. Il ne faut pas... Hein, c'est vrai que... Non. J'ai pas pris les bons mouchoirs, j'ai pris des mouchoirs à la main, donc si je pleure, ça va me brûler les yeux. Ah. Et du coup, moi, ce que je peux te dire, c'est vrai qu'on fait quoi, 18 mois ici ? 19. 19 mois, c'est vrai qu'on en a parlé pendant toute l'émission. J'ai vu une évolution dans ta personnalité, dans ta carrière. C'est vrai que j'avais beaucoup aimé faire Radio Catch et Chacun sa voix ensemble. Et, bon, certes, des fois, il y a eu quelques petites frictions. Hein, mais ça arrive, bon oui, mais ça arrive partout, ça. Et donc, voilà, c'est vrai que... Les rapports humains. Oui, c'est exactement, ça. Ouais. Donc, on te sent vraiment ambitieuse, motivée. Donc, ne perds pas cette motivation, ne perds pas cette ambition. Et si tu continues comme ça, tu pourrais aller loin dans ce monde de la radio. Et peut-être qu'on t'entendra bientôt sur tes grandes radios nationales. Je pense que ça va mettre du temps d'ici là. Oui, mais bon. Je pense pas que j'ai encore la carrure d'aller sur les grandes radios nationales. On va y aller. Chaque chose en son temps et chaque temps a sa chose. Voilà, tout à fait. Wow, c'est beau, ça. Merci. Oh, wow. Qu'est-ce que tu te dirais à toi, Laura ? À toi, dans 10 ans, quel message tu as envie de te donner à celle que tu seras, que tu vas devenir ? Ne mets pas de crème antiride, ça ne sert à rien. De crème, évidemment, de crème antiride. La crème antiride. Oui, ce que tu as dit, des crèmes, de crème antiride. Non, c'est pas pareil. Ok, les crèmes antirides, on arrête. Pas de crème. Stevie Wonder, crème antiride. Parce qu'il est dans ses romans, Chris, c'est pour ça. Non, c'est ça, exactement. Qu'est-ce que je me dirais dans 10 ans ? Bonne question. Dans 10 ans, déjà, j'aimerais déjà dire à celle dans un an, n'oublie pas d'où tu viens, ne perds pas cette confiance en toi, ni ton sourire, ne te laisse pas gagner par, je sais pas... Même si des fois, tu as sur ta route des choses qui font que tu peux manquer de confiance en toi ou que tu t'en remettes en question. Faut pas écouter ces petites voix intérieures. Et puis, des fois, faut appeler des gens qui te redonnent un peu le moral et le sourire, qui connaissent tes capacités. Et puis, vivre au jour le jour. Et quand on se projette trop, des fois, ça se passe pas comme on voudrait. Donc, vive le moment présent. En profiter. Ça, c'est quelque chose que je t'ai beaucoup entendu dire, vive le moment présent. Voilà, ça a été une vraie réflexion sur toi-même, cette chose-là. Mm-hmm. Hein, tu me fais penser un petit peu à Gilou dans l'anxiété, la projection, oui, c'est vrai, petit peu la rumination parfois. Le moment présent, c'est pas facile. Mm-hmm. Et voilà, il faut le saisir, quoi. Ouais, c'est vrai. Puis malheureusement, avec tout ce qu'on entend, là, tout ce qu'on voit actuellement, c'est vrai qu'on se dit là, oui, on va vivre dans le présent, c'est pas ce qui peut arriver. J'ai un autre regard parce que je suis d'un âge certain. Tu es sage. Je suis sage, oui. Tu es un homme sage, Gilou. Mais voilà, c'est vrai que oui, c'est mon envie de vivre le jour, le présent. Mais aussi, on continue, bien sûr, faire plein de choses, voilà. C'est et ça. Puis on se dit rendez-vous dans 10 ans. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Ah oui, puis un petit duo qui doit se préparer. Même jour, même heure. Je serais peut-être là dans 10 ans, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas. Peut-être que tu seras responsable d'antenne. Non. Non, ça, je te laisse cette responsabilité. Non, ça sera toujours toi, t'inquiète. Non, ça sera toujours toi. Quand tu auras tes 29 ans, tu seras toujours là. Merci. T'as eu peur, sur le coup. Hein. Moi, j'aurais pas dit ça. Hein. Non, mais je referai peut-être partie de cette belle équipe de Radio Gémozo. J'espère que ça n'attendra pas 10 ans. Mais je serais contente de faire ma carrière ici. On verra bien, comme dirait l'autre, qui vivra verra, c'est ça le dicton ? C'est ça. Oui, voilà. C'est ça. Alors moi, j'ai adoré ton grain de folie, puis voilà, en parcourant un petit peu notre base de données, je suis retombée sur ça. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est, j'ai entendu que les trois premiers mots, mais ça m'a bien plu. On va écouter ça tout de suite. Elle directrice de l'antenne. Bonjour. Du coup, tu veux faire semaine amour week-end ou amour, on s'en fout, non ? Parce que toi, en plus, amour, c'est le... Toi, ça fait un peu ce rêve bleu pour toute la semaine. Bah tant mieux. Hein. Voilà pour la petite réflexion. Bon, on en a pour 10 minutes, du coup, on va couper quand même. Mais il y a eu un moment, où on s'était dit qu'on allait faire l'horoscope ensemble. Voilà, mais il y en a même un dans mes souvenirs. Malheureusement, il était tout négatif. On s'est dit, laisse tomber, on va faire un autre. On a arrêté. Du coup, on va se lancer dans notre dernière petite de petit son chouchou avant de clôturer cette émission hommage. Non, je ne vais pas dire comme ça, c'est horrible, c'est horrible. Ah, oui, horrible. Ça fait un peu... C'était moi, cette émission honneur. Que... honneur. Voilà, honneur à toi. Tu nous as choisi Fergie. Mm-hmm. J'avais choisi cette chanson à la journée porte ouverte quand j'ai invité JT Portraitiste. Et la traduction de cette chanson, c'est « Une petite fête n'a jamais tué personne ». Alors, je pensais que ça ferait venir les auditeurs à la journée porte ouverte, mais pas du tout. Mais bon, pour la prochaine, peut-être, hein, celle de l'année prochaine, et ben voilà. Il y a tellement de choses qu'on aurait pu dire encore, ça me fait penser à ça, mais on a fait énormément de bons scores aussi avec tes émissions sur les lectures en podcast depuis notre site internet, énormément de bons retours sur voilà, l'effet qu'on produit tes émissions sur l'affluence parfois à certains événements, etc. Donc pour ça, on te remercie une nouvelle fois. Bah, merci à vous de m'avoir donné cette chance. On écoute ça, puis on se fait un petit au revoir juste après. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now is all we got. A little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop. A little party never killed nobody. Right here, right now is all we got. Skeetin' bada pop. Petit extrait de cette musique qui me donne carrément envie de remuer mon corps jusqu'à demain matin. Et oui, j'ai adoré, merci beaucoup. Est-ce que ça a été réciproque dans le studio? Ah oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est bien, ça. Non, mais c'est bien, c'est rythmé et tout. T'as loupé la petite danse de l'épaule de Chris. C'est bien. Je veux pas que tu parles, t'as pas de preuve, t'as pas d'image. Des images, elle en a prises. Hein, quand je tournais sur mon siège. Ah oui, c'est vrai, ça, j'ai joué. Le slow avec Gilou. Ah oui, en effet. Le slow avec Gilou, bien sûr. Oui, mais, ouais, je voulais te remercier aussi, Laura, d'avoir été présente aussi dans mes émissions. Puis les photos que tu as faites aussi, les vidéos. Voilà, hein, c'est vrai que tu as participé. Et puis, ouais, c'était ça aussi, je tenais à te remercier pour ça. Merci, j'étais contente d'être ton assistante, Gilou. C'est gentil. je suis gâtée. Tu as été d'un très, très grand soutien émotionnel, voilà, un soutien parfois vraiment administratif. Hein, tu m'as soutenue dans plein de choses différentes. Je me suis vraiment sentie bien à travailler avec toi, que ce soit dans le bureau, dans la voiture. Voilà. À chaque moment de chaque journée, j'ai été super contente que tu sois ma collègue et voilà, de t'avoir accueillie tout ce temps-là. Je suis très, très triste que tu partes aussi vite. Moi, ça me fait un gros, gros pincement au cœur. Pour l'instant, je ne réalise pas trop, mais je pense que la semaine prochaine, ça va être beaucoup plus compliqué. Moi, je t'ai trouvée incroyable, investie, incroyable, agréable, souriante, avec le petit grain de folie qu'il faut, mais le sérieux qu'il faut aussi pour travailler dans de très bonnes conditions. Tu m'as toujours montré le meilleur de toi-même et jamais... j'ai été déçue de ce que tu nous as proposé et pour ça, bah, je te dis un grand merci, je te fais des gros bécos. Bah, merci à toi pour ta bienveillance et tes conseils. Oh, bah ça c'est gentil. Eh ben, on se retrouve bientôt, j'espère. Bah oui, j'aimerais bien. À la rentrée, franchement, ouais, j'essaierai de revenir. Après, c'est vrai que c'est pas évident parce que je suis pas mobile, comme on dit, mais je reviendrai. Mais ma voiture te sera toujours ouverte. Non, mais de toute façon, j'avais dit avec Gilou, de toute façon, on gardera le contact et de toute façon, quoi qu'il arrive, on ne s'oublie pas. C'est pas une chanson qui existe, mais c'est pas grave. Tu sais, un petit peu de temps en temps, bénévole ou comme ça, enfin. Oui, bah oui, en tant que bénévole. Selon tes dispositions, comment tu peux, voilà. Du coup, j'ai plein de temps libre en tant que bénévole. On se retrouve très prochainement dans l'émission de Noël, déjà. Mm-hmm. Hein. Oui. On te souhaite une très très bonne formation parce que tu vas quand même jusqu'au bout. Hein. Elle fait une formation à la fin de son contrat. Donc pour ça, d'accord, il faut quand même beaucoup de courage parce que bah, parfois la motivation et l'investissement piquent un peu. Hein. Et voilà, on a plus vraiment très envie. Mais elle y va, elle y va jusqu'au bout. Et ça, c'est très remarquable. Et pour ça, on te tire notre chapeau. Bah, j'ai choisi cette formation pour vous aider aussi. Parce que comme je te dis, dans tous les... De toute façon, même si je vais ailleurs, dans une autre radio, même sans être dans une radio, dans le milieu associatif, cette formation me servira. Tout à fait. Gros bisous, Laura. Qu'est-ce que je te souhaite pour la suite? De revenir. En tant que salarié. On pourrait pas... Je reviendrai. On pourrait pas acheter quelques gratte-gratte, tu sais, à Noël, quand on fera notre enregistrement. On peut tout faire. J'ai joué à l'Euro. Je ne sais jamais si... Pas oui, si on gagne une somme comme ça... On la mettrait... dans les finances, quoi. Dans les finances, voilà. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot dans les finances. Prendre un assistant à l'IA aussi. Ce sera toi. Des nouveaux locaux. Eh bien voilà, auditeurs, cette émission s'achève maintenant. Alors on aurait pu la faire durer encore des heures parce qu'il y a tellement de choses à dire sur un parcours comme ça. En une heure, c'est bien, bien trop court. Mais on se retrouve très, très vite, peut-être pour encore des émissions ensemble sur des sujets qui te donnent envie. Et puis voilà, tu seras toujours la bienvenue ici. Merci. Au revoir les garçons. Au revoir.